Pendant qu'en fait assis, entourant son autel, doges et conseillers adressaient leurs prières à leur roi Posidon, Ulysse s'éveillait de son premier sommeil sur la terre natale, mais sans la reconnaître après la longue absence, car Pallas Athéna, cette fille de Zeus, avait autour de lui versé une nuée, afin que, de ces lieux, il ne reconnût rien et qu'il apprît tout d'elle. Brusquement relevé, debout, il contemplait le pays de ses pères. Il se prit à gémir, et du plat de ses mains, se frappant les deux cuisses, il eut un cri d'angoisse. Quel est donc ce pays? Hélas, chez quel mortel suis-je enfin revenu? Chez un peuple sauvage, des bandits sans justice, ou des gens accueillants qui respectent les dieux? Où m'en vais-je porter cet amas de richesses? Moi-même, où m'en aller? Que ne suis-je resté là-bas, en fait assis? Athéna vint à lui. Elle avait pris les traits d'un jeune pastoureau, d'un tendre adolescent qui serait fils de roi. Sur l'épaule, elle avait la double fine cape, à la main la houlette, et sous ses pieds luisants, la paire de sandales. Ulysse, en la voyant, eut le cœur plein de joie. Il vint à sa rencontre et dit ces mots ailés. Ami, puisqu'en ces lieux, c'est toi que le premier je rencontre, salut. Accueille-moi sans haine, et sauve-moi ces biens, et me sauve moi-même. Comme un dieu, je t'implore, et suis à tes genoux. Dis-moi tout net encore, j'ai besoin de savoir. Quel est donc ce pays? Et quelle année le peuple? Et quelle année la race? Es-tu folle, étranger? Où viens-tu de si loin? Sur cette terre, ici, c'est toi qui m'interroges. Pourtant, elle n'est pas à ce point inconnue. Elle a son grand renom jusqu'aux confins du monde. Elle n'est que rocher peu fait pour les chevaux. Mais sans être très pauvre et sans être très vaste, elle a du grain, du vin, plus qu'on ne saurait dire, de la pluie en tout temps et de fortes rosées. Un bon pays à chèvres, un bon pays à porcs, des bois de toute essence, des trous d'eau toujours pleins. Et voilà, étranger, pourquoi le nom d'Ithaque est allé jusqu'à Troie, que l'on nous dit si loin de la terre achéenne. Est-il bien vrai, dites-moi, que c'est là ma patrie? Athéna, la déesse aux yeux pères, répliqua. Je savais bien qu'un jour tu rentrerais, après avoir perdu le dernier de tes hommes. Mais je n'ai pas voulu combattre Posidon, le frère de mon père. Il avait contre toi, qui aveugla son fils, tant de rancune au cœur. Mais regarde avec moi le sol de ton Ithaque. À ces mots, Athéna dispersa la nuée, le pays apparut. Ô vous, fille de Zeus, ô nymphes, ô naïades, que j'ai cru ne jamais revoir, je vous salue. Acceptez aujourd'hui mes plus tendres prières. Bientôt, comme autrefois, vous aurez nos offrandes. Si la fille de Zeus, la déesse au butin, me restant favorable, m'accorde à moi de vivre, à mon fils de grandir. Athéna, la déesse aux yeux pères, répliqua. Oui, toujours et partout, quand nous devrons agir, je serai près de toi, sans te manquer jamais. Ces seigneurs prétendants, qui dévorent tes vivres, ah, je les vois déjà, de leur sang et cervelle, arroser tout le sol. Quand je t'aurai rendu méconnaissable à tous, je vais donc te flétrir, cette si jolie peau, sur ces membres flexibles, faire tomber ces blonds cheveux de cette tête, te couvrir de haillons qui saisiront d'horreur les regards des humains. J'éraillerai tes yeux, ces beaux yeux d'autrefois, afin qu'aux prétendants tu paraisses hideux. À ta femme, à ton fils, qu'au manoir tu laissas, il faudrait tout d'abord t'en aller chez Eumée, le chef de tes porchers. Il te garde son cœur, il chérit ton enfant, ta sage Pénélope. C'est près de ses pourceaux que tu le trouveras.